Rien. Yon ambulance qui vient paraître. Yon voiture qui vient paraître. Oh, te gen yon sentinelle qui te siège dans poste là qui te relé Anol. On garde grand roteur noir. Et que sentinelle là reste stoppé machine. Li mande identification chauffeur. Chauffeur descend, il fait chauffeur à descendre, chauffeur seulement descendre, des mains levées en haut et virer face ou marcher par dos, vignes. Chauffeur a venu vraiment, j'en sors au Mexico là, donc à l'église, et au fini, je demande chauffeur, et garde la demande chauffeur, quand elle peut aller, il dit que c'est major ou mais, qui téléphoné yo qui mandé pour ambulance là vini la matin. Oh, entre parenthèses, m'pi quoi que chauffeur a été milicien. Parce que tout chauffeur ambulance sa yo, et à ce moment-là, tout est milicien. Oh, à l'heure qu'il est, les gars de la fin identifié chauffeur, il fait chauffeur aller, avancer, lui stopper encore, lui demander pour chauffeur éteindre lumière devant et que lumière en dedans ambulance là. Effectivement, vraiment, chauffeur fait ça, lui avancer, lui arriver dans le poste là, lui stationner encore. Donc, à l'heure qu'il est, moi-même personnellement, en qualité d'attaché département d'intérieur et que malem te gen opportunité pour me procher garder en ambulance là tout. Donc mal gardé moi ouais que c'est deux garçons travailleurs ambulance là yo qui chita en ambulance là donc m'ba wan yon encore en ambulance là. OK. Garde là, voyez, ambulance là, allez, la matin. 3h40 du matin, ambulance là, retourne. Je ralte le même genre, garde là, ralte le même genre encore. Allez, qu'il est, je fais le même bagaille, je fais l'avancée, éteins lumière de faille, éteins yo, et que lui. Et on fait lumière en ambulance là. Moi-même encore, monsieur Mabdino, avec toute sincérité, je suis satisfait à ce que nous prenions quatre départements intérieurs qui permettent capable d'assister à toute cérémonie là. Comprenez? Parce que si vous n'avez pas procédé, vous quatre ou pas capable d'assister à tout épisode. Ça. Donc, je suis allé instantanément que garde là. Fait lumière en dedans ambulance là mal gardé moi ouais William moi ouais Teti monsieur vieux moi ouais André Yobé ainsi que jeune homme inconnu pour moi hein, que m'pa connais cinq cadavres yon pas mouri je fermé tout mouri je ouvert de deux pas gen yon calé avec en chaîne pas gen yon calé avec un bras ça pas gen yon kala kon mot. N'après yon kala avec un goumet. Parce que tout bay sa yon rete lamenté. Le ambulance a retourné, de monsieur sa yon chita devant avec chauffeur. Hop, allez qu'il est. Nous fin constater, l'em gade moué William mouri, m'pa procédé encore. M'pa procédé. Donc, et que me fait semaine ça me pas ça dormir même pas capable dormir. OK bah là dans cœur même pas ca dire rien pas ca parler bye. OK papa William vient présenter dimanche non même samedi dans l'après-midi samedi 27 là papa William vient paraître vient côté moi parce que papa qu'on aime faire bien qu'on aime petit monde donc papa vin côté ouais. Le papa vin côté pendant que m'a sorti dans poste carrefour en dedans, et puis m'gade, je me tombe sur Justin, et puis m'gade, moi, juste à bin côté, l'eau couille dans le jeu pour m'virer dos, baille, Justin m'entre dans le poste là. M'ba gen courage pour m'aille pas là, Justin encore. Ok, Justin, allez. Dimanche, il voyait mon relais. Il dit non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas sorti. Qui moun, c'est Adi Richard. Mon go naïve, il voyait venir relais moi. Il dit Adi que je ne vais pas aller. Tout ça, il dit non. Ok. Ça a été dimanche après-midi. Adi dit moi que. Ces amis de moi, viennent pour m'expliquer ça. Malé, ma parle a dit parler de poste là, à Kayadi tout près. Donc, juste m'arriver à Kayadi, je m'a expliqué à dit comment ces garçons ont mouru. Et puis, regardez-moi, pendant que ma parle a dit, regardez-moi, Justin sorti en temps, chambre à Diricha, vient parler. Global carité à toi, non, Jim. Avec qui l'est, on dit, Justin, son seul bail que me dit Justin, quelqu'un soit moun, qui vient demander yon goud, qui vient demander 50 goud, qui vient demander 2 goudin, qui vient demander 10 000 dollars que la poêle mette William dehors, dit merci, que le nom de Dieu soit béni. Et que c'est bon Dieu que te baoul, ou perdu, et que connaissez bon Dieu qui prend. Ou fini. Eh bien, ok, s'arrêter, minime viré, malé. Mais alors, c'est après toute catastrophe ça, yo, nous venons connaître que des miliciens yo, que Major Mette prend, Canès et Bertier, et civil qui étaient montés dans la machine, hein, c'est. Dans le coffre fort, André Obé, il est allé même la nuit là. Des miliciens, ils là qui ont assez pour te courir derrière paquet de travailleurs que Obé te gagné qui ont dormi en Batranga la Kaili. Oh, nous t'a mené des témoins, oui. Mais nous t'a cherché des témoins, toujours. Mais on ne connaît pas qui raison que nous cherché des témoins. Parce que nous avons peur. Tout moun yo qui était en face Kayo Bea qui t'a assisté opération que milicien t'a couru derrière travailleur employé qui t'a dormi en Batranga yo oh et que et monsieur en civil là que le témène pour manœuvrer appareil sous dialétogène non qui coupait des coffres fort yo. Donc tout le monde sa yo te rete la kayo que yo pa te ka sorti kon gen couvre fi. Donc yo pa ka sorti mais yo wè manœuvre ka fait l'autre bois parce que malgré que yo te éteint toute lumière mais cependant yo te wè que c'est même voiture et lamentin, la mère qui te vini, c'est lui qui vini, courir derrière moun yo, yo bote l'argent juste sur rat, bote l'argent mette dans coffre fort, dans fait noir, l'argent, le même matin, moun jouen billet, 10 dollars, billet, 20 dollars, à terre, en bagalerie, pour sortir, à les côtés machine dans hier, te hier. Donc, et que s'arrêter, oh, 2 jours, côté Bertier, côté Canès, mouette.